Bonjour, je m'appelle Alain Pennec. C'est Christine Balfa avec le groupe Balfa du jour. Bonjour, c'est Gabriel Yacoub. Bonjour, je suis Jean-Paul Corbineau du groupe Trian. C'est Denis du groupe Mes souliers sont rouges. Vous écoutez Traditionnel sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Sur Arc-en-Ciel, les musiques traditionnelles, c'est le mercredi de 18h à 19h30. Bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques du monde, des musiques qui se chantent et qui se dansent. C'est Violette en votre compagnie. C'est le début de cette émission traditionnelle, comme chaque mercredi de 18h à 19h30. Voici donc 1h30 pour parler de musique traditionnelle, mais pas que. On va évoquer, bien entendu, l'actualité. L'actualité, c'est le festival de Loire qui se prépare, c'est le temps des vendanges, alors quelques chansons sur le vin seront également les bienvenues, et puis c'est également le temps de quelques nouveautés qu'on découvrira au cours de cette émission. Voici tout de suite pour commencer la programmation de ce jour, Gabriel Yacoub et le titre « Jour de Loire ». Sans trop savoir pourquoi, moi je mets jour de Loire, ils reviennent souvent, des jours qui n'appartiennent qu'à moi. J'irai voir mon fleuve tout au long de l'année, tout au long des heures. faire un bras d'eau. Quand le ciel se déchire, que la soirée chavire, le reste du soleil et qu'on ne voit que l'eau. Quand cette marée basse qui n'est qu'une illusion, un souffle déjà des mots d'éternité. J'irai voir ma Loire, j'irai la voir souvent. Je coulerai en elle un sablier vivant. De sable d'eau ma Loire se languit entre la montagne et le reste de l'eau. Ma Loire se languit entre la montagne et le reste de l'eau. Ma Loire se languit de bateaux. Pour le vent, cantique transparent, mes songes liquides et longs désirs de l'eau. Ma Loire est un navire, mon fleuve est un géant qui ne charrie que gloire d'autres géants déchus. Je pense à ces rivières, à l'écume de rien. Et plus je m'en éloigne, et mieux je m'en souviens. Et dans les jours de Loire, m'entraîne les courants qui me ramènent à l'eau. Se mettre dans l'ambiance du Festival de Loire et la Loire qui se languit des bateaux, eh bien les bateaux commencent à arriver. Il y en aura, je crois, 240 la semaine prochaine qui seront présents sur les quais de Loire et sur la Loire. Je vous l'ai dit, la Loire, les vendanges, les nouveautés. La nouveauté du moment, c'est la sortie de l'album Edgar Trio. Il sera présenté ce dimanche à Paris, ce week-end à Paris, à la Mission Bretonne. Voici une formation parisienne, mais avec une programmation tout à fait bretonne. Un extrait de ce tout premier album de la formation Edgar Trio, Le Chant des Lucioles, c'est un rond de Saint-Vincent. Thank you. c'était Edgar Trio, tout nouvel album de ce groupe qui sort donc cette semaine, premier album avec le chant des Lucioles et un groupe clarinette, clarinette basse, guitare et en invité à l'accordéon chromatique sur ce morceau, il y avait Régis Huiban. On poursuit avec Babor Tribord, c'est une des formations plutôt chant de marin qui sera présente sur les quais de Loire. Voici le titre, je te ferai danser. Ça fait des semaines que je suis parti sur mon bateau plein comme un œuf. Combien de jours, combien de nuits avant de revoir Port Châteauneuf. J'ai fait le plus dur, j'ai quitté Nantes. Je remonte à Loire au gré du vent. Mais je vais moins vite qu'à la descente. Demain je serai à Orléans. Je ferai danser mes jolies marines le jour de la Saint-Nicolas. Je suis impatient, jolie gamine, je t'ai dans le cœur et puis c'est comme ça. J'irai le voir si t'es d'accord, ton vieux père pour demander ta main. Je lui dirai combien je t'aime fort. Alors pour sûr, il voudra bien. Mais écoute pas les persifleurs qui nous dénigrent, nous mariniers. Je peux t'assurer qu'il faut du cœur et du courage pour ce métier. J'espère vraiment que tu m'attends, que t'as pas dit oui à un autre gars. C'est pas ce qui manque les prétendants pour une princesse jolie comme toi. Je te ferai danser les jolies marines le jour de la Saint-Nicolas. Je suis impatient, jolie gamine, je t'ai dans le cœur, puis c'est comme ça. J'irai le voir si t'es d'accord, ton vieux père pour demander ta main. Je lui dirai combien je t'aime fort, alors pour sûr, il voudra bien. Venant les plaines, un vent léger nous accompagne plein de caresses. Un souffle chaud qui sent l'été et notre voile donne de la fesse. Je pense à toi pour le mariage, dès le matin et jusqu'au soir. Tu me rends fort, tu me rends sage. Oui, j'ai bien hâte de te revoir. Je ferai danser, jolie marine, le jour de la Saint-Nicolas. Je suis impatient, jolie gamine, je t'ai dans le cœur, puis c'est comme ça. J'irai le voir si t'es d'accord, ton vieux père pour demander ta main. Je lui dirai combien je t'aime fort, alors pour sûr, il voudra bien. La mer farouche, un navire et 15 matelots, sans aucune provision de bouche, s'en aller sur les flots, s'étant tiré en loterie, ils se mangèrent mutuellement. Mathurin, le gabier de vigie, resta le dernier survivant. Ses 14 camarades, il eut achevé le repas, se sentit l'estomac malade, le 14e ne passait pas, alors se fit tatouer sur son ventre le nom des 14 malheureux, avec une croix portant au centre ces mots touchants priaient pour eux. Il revint en France aux 14 veuves de ses amis. Il dit en leur montrant sa panse, voilà la tombe de vos maris. À ces mots, les 14 commères devant Mathurin se mirent à genoux en versant des larmes amères sur la tombe de leurs époux. Apportèrent des pots de fleurs du romarin, de la verveine et des petits bois de senteur. Une de ses veuves nommée Catherine, en souvenir de l'époux prêté, fit dessiner à l'encre de Chine un petit mausolée. Des couronnes pouvaient apporter, ça me gênera pas dans cette affaire. J'ai un clou pour les accrocher. Apporter des fleurs naturelles, elles se conserveront même l'été. Mais pour les arroser, je vous rappelle que le cerviso est à côté. Depuis Mathurin est fort sage, mais ce qui l'embête c'est que pour montrer la tombe où repose l'équipage, faut toujours se déculoter. C'est triste. Oh là là, est-ce que c'est triste? Voilà, une triste histoire que nous racontaient Mes Souliers Sont Rouges sur leur tout dernier album Tout Rouge. Et c'était La Mère Farouche. Suite d'une autre histoire dont il y a de nombreuses versions, Trois Matelots du port de Brest, voici la formation Rock Anne. Trois matelots du port de Brest, trois matelots du port de Brest, trois matelots du port de Brest, trois matelots du port de Brest. De sur la mer, Dieu m'a long la lura, de sur la mer se sont embarqués. De sur la mer, Dieu m'a long la lura, de sur la mer se sont embarqués. Ont bien été trois mois sur mer, ont bien été trois mois sur mer, ont bien été trois mois sur mer, ont bien été trois mois sur mer. Sans jamais taire, Dieu m'a long la lura, sans jamais taire y aborder. Sans jamais taire, Dieu m'a long la lura, sans jamais taire y aborder. Au bout de ça, à six semaines, au bout de ça, à six semaines, au bout de ça, à six semaines, au bout de ça, à six semaines. Le pain, le vin, Dieu m'a long la lura, le pain, le vin vint à manquer. Le pain, le vin, Dieu m'a long la lura, le pain, le vin vint à manquer. Fallut tirer la courte paille, fallut tirer la courte paille, fallut tirer la courte paille, fallut tirer la courte paille. Pour savoir qui Dieu m'a long la lura, pour savoir qui serait mangé. Pour savoir qui Dieu m'a long la lura, pour savoir qui serait mangé. La courte paille tomba sur le chef, la courte paille tomba sur le chef, la courte paille tomba sur le chef, la courte paille tomba sur le chef. Ce sera donc moi, Dieu m'a long la lura, ce sera donc moi qui serai mangé. Ce sera donc moi, Dieu m'a long la lura, ce sera donc moi qui serai mangé. Oh non sinon, mon capitaine, oh non sinon, mon capitaine, oh non sinon, mon capitaine, oh non sinon, mon capitaine. La mort pour vous, Dieu m'a long la lura, la mort pour vous, j'endurerai. La mort pour vous, Dieu m'a long la lura, la mort pour vous, j'endurerai. La mort pour moi, si tu l'endures, la mort pour moi, si tu l'endures, la mort pour moi, si tu l'endures, la mort pour moi, si tu l'endures. Santé cul d'or, Dieu m'a long la lura, santé cul d'or, je t'y donnerai. Santé cul d'or, Dieu m'a long la lura, santé cul d'or, je t'y donnerai. Ou bien ma fille en mariage, ou bien ma fille en mariage, ou bien ma fille en mariage, ou bien ma fille en mariage. Ce beau bateau, Dieu m'a long la lura, ce beau bateau qui est sous nos pieds. Ce beau bateau, Dieu m'a long la lura, ce beau bateau qui est sous nos pieds. Courage mes enfants, courage, courage mes enfants, courage, courage mes enfants, courage, courage mes enfants, courage. Je vois la terre, Dieu m'a long la lura, je vois la terre de tous côtés. Je vois la terre, Dieu m'a long. Je vois la terre, Dieu m'a long la lura, je vois la terre de tous côtés. Je vois la terre, Dieu m'a long la lura, je vois la terre de tous côtés. Voilà, aucun doute, des chansons de marins et des chansons de mariniers, il y en aura la semaine prochaine à partir de mercredi et jusqu'à dimanche. Je vous propose de poursuivre avec un des groupes qui sera présent à ce festival dans un autre style musical. C'est le projet Chinéar, un trio de musiciens avec la particularité d'un violon chinois. Voilà, qui a une sonorité fort particulière, et puis la voix aussi d'un des musiciens chanteurs qui a une voix très particulière aussi sur ce projet. Voici le titre Ulule Sember. Ah. reviens-tu, Pierrick? D'où reviens-tu, Pierrot? Je reviens, mais des écoles du pays. T'as menti plein ta bouche, tu reviens d'y voir ta mie. Je voudrais voir ta mie morte, son cœur rendu ici. Blanche l'argent à ton loisir. Galant pris son épée sur la belle s'en est allée. Arrivant à la porte, trois petits coups frappés. Adieu du village, je m'attendais, adieu mamie, je m'en vais. Prise par sa main blanche au jardin de conduit. Adieu du village, je m'attendais. Adieu mamie, je m'en vais. Adieu du village, je m'attendais. Adieu mamie, je m'en vais. A pris sa claire épée, drette au cœur de darder. A pris sa claire épée, drette au cœur de darder. Pris son cœur et sa langue à sa mère le porter. Adieu du village, je m'attendais. Adieu mamie, je m'en vais. Ils ont pris son pierre et qu'au chafaud l'ont conduit. Adieu du village, je m'attendais, adieu mamie, je m'en vais. Adieu du village, je m'attendais, adieu mamie, je m'en vais. On mit la corde au cou, mais la corde a cassé. On mit la corde au cou, mais la corde a cassé. Il a eu sa vie, sauf que personne n'a touché. Adieu du village, je m'attendais, adieu mamie, je m'en vais. Adieu du village, je m'attendais, adieu mamie, je m'en vais. Adieu du village, je m'attendais, adieu mamie, je m'en vais. Adieu du village, je m'attendais, adieu mamie, je m'en vais. Formation québécoise dans l'émission traditionnelle. Traditionnelle, c'est sur le 96.2 tous les mercredis de 18h à 19h30. Cette formation s'appelle Vent du Nord, un extrait de leur tout dernier album Territoire, c'était Adieu du village. On reste du côté du Québec avec la formation Mélisande et un des thèmes d'aujourd'hui, c'est le vin et la vigne. Voici Plantons la vigne Mélisande sur leur album Millésime. Plantons la vigne, la voilà la jolie vigne. Vigne, vigne, vignon, le vin, la voilà la jolie vigne au vin. De vigne en branche, la voilà la jolie branche. Branchis, branchons, branchons le vin, la voilà la jolie branche au vin. De branche en feuille, la voilà la jolie feuille. Feuillis, feuillons, feuillons le vin, la voilà la jolie feuille au vin. grappant, grappe. La voilà la jolie grappe. Grappi, grappant, grappant, le vin. La voilà la jolie grappe au vin. De grappe en cuve, la voilà la jolie cuve. Cubi, cuve, cuve, on le vin. La voilà la jolie cuve au vin. De cuve en presse, la voilà la jolie presse. Presse, presse, presse, on le vin. La voilà la jolie presse au vin. De presse en tonne, la voilà la jolie tonne. Tonne, tonne, tonne, on le vin. La voilà la jolie tonne au vin. De tonne en cave, la voilà la jolie cave. Cave, cave, cave, on le vin. La voilà la jolie cave au vin. La voilà la jolie cruche, cruchy, crucha, cruchon le vin. La voilà la jolie cruche au vin. De cruche en coupe, la voilà la jolie coupe. Coupi, coupant, coupon le vin. La voilà la jolie coupe au vin. De coupe en bouche, la voilà la jolie bouche. Bouchy, bouchon, bouchon le vin. La voilà la jolie bouche au vin. De bouche en tête, la voilà la jolie tête. Tête, tête, tête, on le vin. La voilà la jolie tête au vin. Diri-di-dam, diri-la-di-li-li-lam. Diri-di-dam, diri-la-di-li-lam. Diri-di-dam, diri-la-di-li-li-lam. Diri-di-dam, diri-la-di-li-lam. Diri-di-dam, diri-la-di-li-lam. Diri-di-dam, diri-la-di-li-lam. Diri-di-dam, diri-la-di-li-lam. Diri-di-dam, diri-la-di-li-lam. La formation Mélisande, autre formation avec des voix féminines, on a eu plutôt des voix masculines aujourd'hui, c'était le thème qui s'y prêtait, c'est la formation Sans Façon. Sur l'album Vive les filles, voici un avant-deux qui s'appelle J'ai perdu mon chapeau. Quel rapport avec le thème d'aujourd'hui? Eh bien, c'est un gabier qui va venir prêter main forte à la jeune fille en détresse. Voici J'ai perdu mon chapeau. En avant deux. J'ai perdu mon chapeau qui s'est envolé dans les branches. J'ai perdu mon chapeau qui s'est envolé tout là-haut. J'ai perdu mon chapeau qui s'est envolé dans les branches. J'ai perdu mon chapeau qui s'est envolé tout là-haut. Envolé tout là-haut. Vive le vent qui retrousse les jupes. Je le reverrai pas de sitôt. Vive le vent troussant les jupons. Envolé tout là-haut. Vive le vent qui retrousse les jupes. Je le reverrai pas de sitôt. Vive le vent troussant les jupons. J'aperçois un matelot portant une chemise blanche. J'aperçois un matelot de jolis dessins sur la peau. J'aperçois un matelot portant une chemise blanche. J'aperçois un matelot de jolis dessins sur la peau. Des dessins sur la peau. Vive le vent qui retrousse les jupes. Son barda sur le dos. Vive le vent troussant les jupons. Des dessins sur la peau. Vive le vent qui retrousse les jupes. Son barda sur le dos. Vive le vent troussant les jupons. Je demande au gabier, vois-tu mon chapeau dans les branches? Je demande au gabier, peux-tu aller me le chercher? Je demande au gabier, vois-tu mon chapeau dans les branches? Je demande au gabier, peux-tu aller me le chercher? Allez me le chercher, vive le vent qui retrousse les jupes contre un de mes baisers. Vive le vent troussant les jupons. Allez me le chercher, vive le vent qui retrousse les jupes contre un de mes baisers. Vive le vent troussant les jupons. Le beau marin troublé d'un précédent envers moi se penche. Le beau marin troublé, je ne pourrai point l'attraper. Le beau marin troublé d'un précédent envers moi se penche. Le beau marin troublé, je ne pourrai point l'attraper. Je pourrai point l'attraper. Vive le vent qui retrousse les jupes, car je suis grand blessé. Vive le vent troussant les jupons. Je pourrai point l'attraper. Vive le vent qui retrousse retrousse les jupes, car je suis grand baissé. Vive le vent, troussant les jupons. Sur la mer en furie, une lame m'a brisé les hanches. Sur la mer en furie, et pourtant me laissa la vie. Sur la mer en furie, une lame m'a brisé les hanches. Sur la mer en furie, et pourtant me laissa la vie. Elle me laissa la vie. Vive le vent qui retrousse les jupes, et la jambe raidie. Vive le vent troussant les jupons. Elle me laissa la vie. Vive le vent qui retrousse les jupes, et la jambe raidie. Vive le vent troussant les jupons. Mais je peux vous porter jusqu'à la plus basse des branches. Mais je peux vous porter pour que vous-même vous y grimpiez. Mais je peux vous porter jusqu'à la plus basse des branches. Mais je peux vous porter pour que vous-même vous y grimpiez. Pour que vous y grimpiez. Vive le vent qui retrousse les jupes. Donnez-moi votre pied. Vive le vent troussant les jupons. Pour que vous y grimpiez. Vive le vent qui retrousse les jupes. Donnez-moi votre pied. Vive le vent troussant les jupons. Dans l'arbre il m'a hissé. L'avait du muscle sous ses manches. Dans l'arbre il m'a hissé. Alors je commence à monter. Dans l'arbre il m'a hissé. L'avait du muscle sous ses manches. Dans l'arbre il m'a hissé. Alors je commence à monter. Je commence à monter. Vive le vent qui retrousse les jupes. Quand j'entends mon gabier. Vive le vent troussant les jupons. Je commence à monter. Vive le vent qui retrousse les jupes. Quand j'entends mon gabier. Vive le vent troussant les jupons. Ne montez pas si haut. Vous allez vous briser les hanches. Ne montez pas si haut. Vous allez vous briser le dos. Ne montez pas si haut. Vive le vent qui retrousse les jupes sous vos robes jolies. Vive le vent troussant les jupons. De voir votre panty. Vive le vent qui retrousse les jupes sous vos robes jolies. Vive le vent troussant les jupons. Amusé, je lui dis de voir mon panty du dimanche. Amusé, je lui dis surtout n'ayez aucun souci. Amusé, je lui dis de voir mon panty du dimanche. Amusé, je lui dis surtout n'ayez aucun souci. Car je n'en ai point mis. Car je n'en ai point mis. Car je n'en ai point mis. Vive le vent tout sans les jupons. Voilà, petite fin coquine pour cette chanson. Et puis, comme je ne suis pas une spécialiste du langage marin, je suis allée voir ce qu'était un gabier. Et c'est le matelot qui est chargé des manœuvres, des voiles, et bien entendu habitué à monter dans les hauteurs pour aller travailler avec les voiles. On poursuit avec un autre des concerts qui sera présent sur les quais de Loire, un accordéoniste belge bien connu qui s'appelle Didier Laloy, accompagné au violoncelle de Cathy Adam. Voici le titre « Mille plumes ». Concert à découvrir le jeudi soir du côté du Festival de Loire. Thank you. un concert donc à retrouver sur les quais de Loire avec Didier Laloy et Cathy Adam. On se retrouve dans quelques minutes pour quelques idées de sortie. 19h approche déjà à grands pas. En attendant, je vous propose de repartir du côté du Québec avec la formation Les Grands Hurleurs. Voici le titre Corsaire. Corsaire, le grand hurleur est un navire de malheur. Quand il se met en croisière pour aller battre l'anglais, la mer, le vent et la guerre tournent contre les Français. Il est parti de l'Orient avec belle-mère et bon vent. Il cinglait bâbord un mur, naviguant comme un poisson. Un grain tombe sur la mâture, voilà le corsaire en ponton. Il nous fallut mater et diablement bourlinguer. Tandis que l'ouvrage avance, on aperçoit à tribord un navire d'apparence amantelée de sa bord. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la la la la. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la. C'était un Anglais vraiment état, double rangée dedans. Un marchand de mort subite, mais le Français n'a pas peur. Au lieu de prendre la fuite, nous le rangions à l'honneur. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la la la la. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la. Ses boulets sifflent sur nous, nous lui rendons coup pour coup. Tandis que la barbe en fume à nos braves matelots, nous voilà pris dans la brume, nous échappons aussitôt. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la la la la. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la. Nos prises au bout de 6 mois ont pu se monter à 3. Un navire plein de patates, plus qu'à moitié chaviré. Un second plein de savates, un troisième plein de fumier. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la la la la. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la. Faire des combats, nous avions à nos repas des gourganis, du Laurence, du vinaigre au lieu du vin, des biscuits pourris d'avance et du camphre le matin. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la la la la. Zimbala zim boum boum. Ce triste sort, nous venons périr au bord. Dans cette affreuse misère, quand chacun s'est cru perdu, chacun selon sa manière s'est sauvé comme il a pu. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la la la la. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la. Le capitaine et son second se sont sauvés sur un canon. Le maître sur la grande ancre, le commis dans son bidon. Ah, le triste vilain cancre, le voleur de Rassillon. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la la la la. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la. Il eût fallu voir le coq avec sa cuillère et son croc. Il s'est mis dans sa chaudière comme un vilain pot au feu. Il a couru vent arrière, il a pris terre à l'île de Dieu. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la la la la. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la. De notre malheur, le calfa serait l'auteur. En tombant de la grande dune, dessus le gaillard d'avant, il a bondi dans la pompe et enfoncé le bâtiment. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la la la la. Zimbala zim boum boum, tra la la la la la. Zimbala zim boum boum. Tra la la la la la. Voici l'heure de se retrouver pour quelques idées de sortie et ça commence dès demain avec du côté du Croque-Beden à Broden, rue de Bourgogne, un concert de la formation Boréale. C'est à partir de 20h au 1 rue de Bourgogne. Voilà, un lieu que vous connaissez sans doute, ça s'appelait le Saint-Patrick et ça a donc changé de propriétaire et de nom. Dans le quartier des Blossières, festival Bouton d'Art, c'est ce vendredi, samedi et dimanche. On pourra retrouver pour le samedi 14, un bal folk musette à chanter. C'est à 21h dans le cadre donc du festival Bouton d'Art. Et c'est la formation La Petite Boutique. Et le dimanche 15, toujours dans le cadre de ce festival, on pourra aller danser avec les petits buvards. Ce sera la clôture du festival après 17h. Le Festival de Loire commence mercredi prochain à 18h30. Le mercredi, il y aura Projet Chinéar sur la scène du Ponton. Et le jeudi 19, Didier Laloy, Katia Dan, qu'on a entendu tout à l'heure, sur la scène de l'Écluse à 20h30. donc exceptionnellement la semaine prochaine, pas d'émission puisque je ne peux pas me dédoubler et je serai du côté du Festival de Loire et du côté de la scène du Ponton pour aller écouter le projet Chinéar. Samedi 21, on pourra, toujours du côté du Festival de Loire, aller danser avec la formation Super Parquet. Ce sera à la scène du Ponton, concert à 23h. Samedi 21, également à Saint-Denis de l'Hôtel, Bal Folk Fest-Noz avec Éphémère et Amélise. C'est à Saint-Denis de l'Hôtel. Et puis, session irlandaise le samedi 27 à Orléans, au Petit Bouchon, rue de la Lyonne, à partir de 20h. Voilà déjà de quoi occuper quelques belles journées, quelques belles soirées également en musique. Je vous propose de poursuivre avec toujours cette thématique de la marine, des marins et des bateaux. Voici Soldat Louis, Tout le monde à bord. C'était la formation Soldat Louis avec Tout le monde à bord. Et on poursuit avec La Bouline. La Bouline, eux, seront sur les quais de Loire le mercredi et le jeudi. Voici une suite du 18e siècle. Que vous avez donné de gloire à la patrie, Tourville, ami Jean Bar et toi, vaillant suffrain, sur les vagues en furie, au milieu de la tuerie, vous étiez toujours en train comme il s'y est au marin. Enfant sur le vengeur, je vois aussi des braves. Ils sont un contre-discutant d'un ferme cœur. Pour ne point subir d'entrave, ils combattent fiers et graves. Ils mitraillés par le vainqueur, ils combattent pour l'honneur. L'anglais qui les admire en vain voudrait les prendre. La mer, ils seront de fiers camarades, ceux qui navigueront à bord. Ils seront de fiers camarades, ceux qui navigueront à bord. Faisant feu bâbord tribord, dans la tornade des canonnades, vainqueurs rentreront au port, tous ceux qui navigueront à bord. Tous ceux qui navigueront à bord. Et des prises de tout tonnage nous ramèneront avec nous. Et des prises de tout tonnage nous ramèneront avec nous. Et la gloire et les gros sous. J'ai mis la voile au vent, c'est dans 10 ans. J'ai mis la voile au vent, c'est dans 10 ans. J'ai mis la voile au vent. J'ai mis la voile au vent, ma petite nanon, c'est pour aller te voir en garnison. C'est dans 8 ans, j'ai mis la voile au vent, c'est dans 8 ans. J'ai mis la voile au vent, c'est dans 8 ans. J'ai mis la voile au vent. J'ai mis la voile au vent, ma petite nanon, c'est pour aller te voir en garnison. J'ai mis la voile au vent, c'est dans 7 ans. J'ai mis la voile au vent. J'ai mis la voile au vent, ma petite nanon, c'est pour aller te voir en garnison. J'ai mis la voile au vent, ma petite nanon, c'est dans 1 an. J'ai mis la voile au vent, c'est dans 1 an. J'ai mis la voile au vent, c'est dans 1 an. J'ai mis la voile au vent. J'ai mis la voile au vent, ma petite nanon, c'est pour aller te voir en garnison. J'ai mis la voile au vent, ma petite nanon, c'est pour aller te voir en garnison. C'était un petit bonhomme, libre, libre, libre, du côté de Malençal, libre, libre, là. Pioche, livre, livre, livre, à son travail il s'en va, livre, livre, là. À son travail il s'en va, à son travail il s'en va. Il n'était pas midi sonnaille, livre, livre, livre, le déjeuner ne venait pas, livre, livre, là. Livre, livre, à la maison il rentra, livre, livre, là. À la maison il rentra, à la maison il rentra, à la maison il rentra. suite de Pile et Menu avec la formation Océan et ça commençait par La Voile au Vent. On poursuit puisqu'on est du côté de la Bretagne avec une voix bretonne à découvrir. C'est une jeune chanteuse, en tout cas nouvellement venue dans le monde musical breton. Elle s'appelle Azilise Monroe. Voici la petite valse bretonne. Sur les rives de tes flots, l'immense et que le bleu lisse du ciel se souvient. Voilà, Azelis Monroe, extrait de son premier album Earth, et ce sera une de nos rencontres au cours des prochaines semaines. Voilà, on retrouvera en interview Azelis. On poursuit avec Crocodile Gumbo, c'est une formation de chez nous, le titre Bosco Stomp, et c'est déjà la fin de l'émission qui approche tout doucement. Fait du mal. on arrive déjà au terme de cette émission traditionnelle. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que ça vous a donné peut-être l'idée d'aller écouter des concerts, d'aller au spectacle vivant. En tout cas, on se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours, la semaine prochaine. Voilà, direction le Festival de Loire, en tout cas pour moi. Et puis, passez une très très bonne semaine, une excellente soirée sur le 96.2. On se quitte avec un dernier titre, et c'est la formation qu'on a découvert en début d'émission, Edgar Trio, extrait de leur tout nouvel album. Voici Le Feu dans la Baraque, c'est un tour pour ceux qui savent les danses bretonnes. Voilà, danse très simple. Un tour pour se dire bonsoir et pour faire un petit tour. À très bientôt. repetição às 9h25 e 18h20. E foi mais uma visita consular com...